Le 7e congrès du Parti du travail de Corée est ouvert solennellement le 6 mai à Pyongyang, capitale de la Révolution. Y ont pris part les délégués délibératifs et consultatifs élus à chaque rassemblement provincial des délégués, ainsi que les cadres des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des établissements économiques, des organisations des travailleurs et des secteurs de sciences, d'enseignement, de santé publique, d'art et de littérature et de presse, recommandés aux rassemblements provinciaux des délégués en qualité d'observateurs. Le groupe de félicitations des Coréens au Japon pour le 7e congrès du Parti du travail de Corée et le groupe de félicitations de l'Association générale des Coréens en Chine ont fait leur entrée dans la salle de réunion. Au milieu de la musique de bienvenue, le camarade Kim Jong-un, premier secrétaire du Parti du travail de Corée, s'est présenté à la tribune d'honneur du congrès. Tous les participants ont poussé les vivas enthousiastes. Le camarade Kim Jong-un a prononcé le discours inaugural du 7e congrès du Parti du travail de Corée. En voici le résumé. Aujourd'hui, alors que nous menons, forts de la volonté pleine de cran et de confiance du parti, de l'armée et du peuple entier, de hâter au maximum la victoire finale de la révolution Juche, la grandiose lutte qu'est l'impétueuse marche générale du peuple en contrecarrant toutes les menaces et en levant tous les défis frénétiques des impérialistes, nous allons tenir aujourd'hui le 7e congrès du Parti du travail de Corée, congrès qui fera date dans l'histoire. Permettez-moi d'abord de présenter mes plus profonds respects et de rendre mon hommage suprême aux grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il, fondateurs et bâtisseurs, symboles de la puissance de l'invincible Parti du travail de Corée et leaders éternels de notre parti et de notre peuple, en traduisant la loyauté sans bornes et l'ardent sentiment de vénération de tous les membres du parti, des officiers et soldats de l'armée populaire et des civils. Pendant la période passée en revue, notre parti et notre peuple ont mené sous la direction avisée des grands présidents Kim Il-sung et général Kim Jong-il une lutte sacrée et dure pour sauvegarder le socialisme et faire progresser victorieusement la cause révolutionnaire Juche. Je propose d'observer un moment de silence à la mémoire des anciens combattants de la révolution anti-japonaise, des martyrs patriotes, des mémorables compagnons d'armes révolutionnaires de notre parti et des personnalités patriotes adeptes de la réunification qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes à la patrie et au peuple en suivant le long chemin de la révolution Juche sous la direction des grands leaders. Le 7e congrès du Parti du travail de Corée est convoqué au moment historique où une période de bond est inaugurée dans l'œuvre révolutionnaire Juche. La période qui nous sépare du 6e congrès du Parti du travail de Corée a été des décennies de luttes âpres et de glorieuses victoires pour notre parti et notre peuple. Pendant cette période, notre révolution a été confrontée à un contexte des plus durs et complexes. Confronté aux épreuves inouïes créées par l'offensive antisocialiste que concentraient les forces coalisées impérialistes sur notre République après le démantèlement du système socialiste mondial, notre parti et notre peuple se sont vus obligés d'affronter seuls ces forces hostiles. Pendant plusieurs décennies, les impérialistes ont en permanence créé une tension telle que notre peuple ne puisse vivre un seul instant dans la quiétude et recouru à un blocus, à des pressions et sanctions de toutes sortes, afin de le priver des moindres moyens de développer son économie et de subsister. Notre parti et notre peuple, obligés de faire face à d'innombrables rudes épreuves, à des difficultés et souffrances dépassant celles que peut entraîner une guerre, ont soutenu les grands présidents et généraux comme centre de l'union et de la direction, se sont unis plus encore autour du comité central du parti, et en affrontant la tempête de l'histoire sans la moindre hésitation, ont lutté avec vigueur pour défendre et faire progresser la cause du socialisme en s'inspirant uniquement et avec enthousiasme de la ligne révolutionnaire Juche proposée par les leaders. Grâce à la direction avisée des éminents leaders et la force de l'union monolithique entre le parti, l'armée et le peuple axée sur le leader, nous aidons, nous avons pu contrecarrer à chaque occasion les manœuvres d'étranglement des forces coalisées impérialistes contre notre République, sauvegardant ainsi jusqu'au bout le drapeau rouge du socialisme et les conquêtes de la Révolution, ainsi que marquant les décennies d'éclatantes victoires. Pendant la période considérée, le Parti du travail de Corée s'est transformé grâce à l'application de la ligne Juche du grand dirigeant Kim Jong-il en matière d'édification du parti, en un corps idéologiquement pur et une organisation intégrale ayant accédé à l'unicité de pensée et de direction, en un parti mère assumant la responsabilité du sort des masses populaires, un parti invincible doté d'un art de diriger consommé, un parti révolutionnaire fort et plein d'avenir. Cette année marquée de la tenue du 7e congrès du parti, notre armée et notre peuple ont fait des réussites remarquables dans leur premier essai de la bombe à hydrogène et le lancement du satellite d'observation de la Terre, Kwangmyong-104, grands événements faisant date dans l'histoire 5 fois millénaire de la nation, faisant briller au plus haut point la dignité et le potentiel national de la Corée du Juche. Puis, sur leur lancée, ils ont mené énergiquement sous le signe de la fidélité une bataille de 70 jours qui a abouti à des exploits éclatants et à des succès de travail sans précédent dans tous les secteurs de l'édification socialiste. Notre classe ouvrière héroïque de Kim Il-sung, Kim Jong-il, nos scientifiques et techniciens, ont livré une lutte opiniâtre en portant la bannière de la primauté de la capacité de se renforcer soi-même, inventant et construisant de nouvelles installations mécaniques par nos efforts et avec nos techniques, cadeau au congrès du parti mère. À la veille du congrès, dans tous les coins du pays, ils ont achevé magistralement en un peu de temps de nombreux projets majeurs de construction importants pouvant contribuer grandement au développement économique et à l'amélioration de la vie du peuple, parvenant ainsi à en faire des rapports marqués de dévouement au comité central du parti. Tous les secteurs et unités d'activité animés d'une fidélité ardente au parti et d'un patriotisme extraordinaire ont entrepris une grande marche révolutionnaire pour faire du 7e congrès du Parti du Travail de Corée un congrès de vainqueurs, un glorieux congrès. Cela a montré avec force la volonté inébranlable issue de leur foi, de notre armée et de notre peuple qui édifie dignement une patrie riche et puissante en dépit des sanctions et des manœuvres d'étranglement scélérates des forces hostiles, et a démontré sans équivoque au monde entier la fermeté d'esprit, l'audace peu commune et la force inépuisable de l'héroïque Corée. Toutes les réussites extraordinaires qui se sont succédées à la veille de ce congrès significatif du parti sont imprégnées de la précieuse sueur, de l'enthousiasme ardent et de l'effort inlassable des camarades membres du parti qui ont inauguré une grande prospérité de l'édification du socialisme par un grand essor révolutionnaire continu en partageant toujours le sort du parti. Au nom du comité central du parti, j'adresse mes vifs remerciements et mes salutations militantes à tous les délégués du congrès, membres du parti, officiers et soldats de l'armée populaire et civile, qui, animés d'une conviction ardente de suivre invariablement le parti, les armes de la révolution, le marteau, la faucille ou le pinceau à la main, ont écrit avec leur sang et leur sueur patriotique l'histoire sacrée du Parti du Travail de Corée, et contribuer grandement à faire du 7e congrès du parti un congrès de victoire et de gloire. À l'occasion du congrès de notre parti qui restera mémorable, mes salutations chaleureuses vont également au Front démocratique national anti-impérialiste, au Parti social-démocrate de Corée, au Parti chundoïste Chung-woo, ainsi qu'à la population sud-coréenne, à toutes les organisations de nos compatriotes, y compris la Chung-yeon, et à tous les Coréens de la diaspora qui luttent pour la réunification et la richesse, la puissance et la prospérité de la patrie. J'adresse aussi, au nom du congrès du parti, mes vifs remerciements et salutations aux partis et organisations, organisations d'études des idées du Juche, organisations d'amitié et de solidarité et aux personnalités de différents milieux de divers pays du monde entier, ainsi qu'aux délégués des missions diplomatiques et organisations internationales accréditées en République populaire démocratique de Corée, qui soutiennent activement notre révolution et ont fait parvenir des télégrammes et lettres de félicitations et corbeilles de fleurs à ce congrès. Le 7e congrès du Parti du Travail de Corée dressera le bilan des éclatantes réalisations remportées et des précieuses expériences cumulées par notre parti et notre peuple pendant la période considérée, et définira la ligne stratégique et les tâches militantes visant à ouvrir avec plus de force une grande prospérité de l'édification du socialisme, ainsi que l'orientation de notre révolution. Le présent congrès du parti sera l'occasion historique de poser un nouveau jalon dans le développement du glorieux parti Kim Il-suniste, Kim Jong-iliste et la lutte pour l'achèvement de l'œuvre socialiste. Convaincu que le présent congrès du parti mènera à bien ses travaux grâce au grand enthousiasme politique de tous les camarades délégués, et sera ainsi un congrès historique laissant des empreintes indélébiles dans le développement de notre parti et de notre révolution, et un congrès inaugurant une nouvelle marche générale visant à anticiper la victoire finale de l'œuvre révolutionnaire Tsu-Tse, je déclare ouvert le 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Kim Yong-nam a présidé le congrès. Le congrès a élu le comité exécutif. Au nom de la volonté et des vues unanimes de tous les délégués, de tous les militants du parti, des militaires et civils de tout le pays, le Congrès a élu le camarade Kim Jong-un, premier secrétaire du Parti du Travail de Corée, membre du comité exécutif. Sur la tribune d'honneur étaient présents Kim Yong-nam, Fang Byung-so, Park Bong-joo et autres membres du comité exécutif, ainsi que les délégués qui ont accompli dans le passé les mérites exceptionnels dans l'accomplissement de la cause du parti en matière d'édification d'une patrie riche et puissante socialiste. Y ont été également invités Kim Yong-dae, président du comité central du Parti social-démocrate, Yun Jong-ho, vice-président du comité central du parti Chundoïste Chung-un, Cho Il-min, représentant à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, Pu Yong-woo, chef du groupe de félicitations des Coréens au Japon, et Cha Sang-bo, chef du groupe de félicitations de l'Association générale des Coréens en Chine. On a présenté les messages et les fanions de félicitations adressés au camarade Kim Jong-un par le comité central du Front démocratique national anti-impérialiste, le présidium du comité central de l'Association générale des Coréens restant au Japon et l'Association générale des Coréens en Chine, ainsi que les messages et fanions de félicitations envoyés au 7e congrès du parti par le comité central du Parti social-démocrate et le comité central du parti Chundoïste Chung-woo. On a également présenté les messages, lettres et corbeilles de fleurs, les présents, les médailles, les titres d'honneur et les diplômes adressés au camarade Kim Jong-un en guise de félicitations à l'historique 7e congrès du Parti du Travail de Corée par les présidents syriens et ougandais, le secrétaire général du comité central du Parti ouvrier congolais, le dirigeant national du Parti ouvrier mexicain et d'autres chefs de parti et d'État, des organisations politiques et sociales, des formations d'études des idées du Tsu-Tse, des personnalités russes, chinois, japonais, suisses, français, finlandais, italiens, angolais, argentins, espagnols, ainsi que du corps diplomatique, du corps des attachés militaires, du corps des conseillers économiques et commerciaux, des représentants diplomatiques et des représentations des institutions internationales en Corée. On a aussi présenté les messages et lettres de félicitations et les corbeilles de fleurs envoyées au 7e congrès et au comité central du Parti du Travail de Corée par le comité central du Parti communiste vietnamien, le comité central du Parti communiste chinois, le comité central du Parti communiste cubain et d'autres partis politiques et dirigeants de partis, les organisations d'amitié, de solidarité et d'études du Zhejiang et les personnalités de divers pays comme Pologne, Guinée équatoriale et Mongolie. On a ensuite élu le secrétariat du Congrès. Pu Yong-woo, chef du groupe de félicitations des Coréens résidant au Japon, et Cha Sang-bo, chef du groupe de félicitations de l'Association générale des Coréens en Chine, ont lu les messages de félicitations adressés au camarade Kim Jong-un par le présidium du comité central de l'Association générale des Coréens résidant au Japon et l'Association générale des Coréens en Chine, avant de remettre respectueusement les fanions de félicitations. Les messages de félicitations indiquent que les Coréens d'outre-mer ont éprouvé profondément la vérité que la dignité et l'honneur d'un pays et d'une nation dépendent de la grandeur du leader et du parti, tout en parcourant le trajet pour la nation et la patrie en suivant le maréchal Kim Jong-un et ayant les grands leaders à la tête du mouvement original des ressortissants d'outre-mer. Ils affirment que le camarade Kim Jong-un, qui continue l'amour et les affections paternelles des grands leaders, qui s'était profondément intéressé au mouvement des ressortissants d'outre-mer, malgré la direction personnelle de la confrontation contre l'impérialisme et les États-Unis, et de l'édification d'une puissance prospère, est le père affectueux et le maître amical de tous les compatriotes d'outre-mer. et souhaite sincèrement santé au maréchal Kim Jong-un pour la prospérité éternelle de la grande nation Kim Il-sung et de la Corée Kim Jong-il, de notre patrie qui manifeste le prestige de la puissance invincible et l'achèvement de la cause de réunification de la patrie. Le congrès du parti a adressé les télégrammes de félicitations aux militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée qui ont accompli les mérites dans la défense du 7e congrès du parti, ainsi qu'aux travailleurs et cadres des établissements, usines, entreprises et fermes coopératives qui ont obtenu les brillants succès de travail dans la campagne de 70 jours. On y a apprécié hautement les exploits de tous les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur qui ont garanti en sûreté sur le plan politique et militaire le progrès victorieux de la cause révolutionnaire Juche, cause de la révolution du Sungun, par la lutte héroïque et les efforts dévoués, et célébré le 7e congrès du parti avec les succès et mérites de travail suprême en opérant les exploits par la nouvelle création de la vitesse de Corée, ainsi que les travailleurs et cadres des établissements, usines, entreprises et fermes coopératives qui ont manifesté parfaitement l'héroïsme et le dévouement peu commun en partageant le sort avec le comité central du parti et son idée, sa volonté et son rythme afin de réaliser brillamment les tâches de la campagne de 70 jours. On y a exprimé la certitude que tous les militaires de l'héroïque armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée s'acquitteront parfaitement et fièrement de la responsabilité et de la mission lourde assignée par le parti, le peuple, l'époque et la révolution dans la lutte sacrée pour faire progresser victorieusement la cause de la révolution Juche, cause de la puissance Paektusan, tout en manifestant au niveau suprême la dignité et le prestige invincible des forces armées révolutionnaires Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un, et que tous les militants du parti et autres travailleurs œuvreront dynamiquement pour appliquer parfaitement les tâches de valeur de guide du congrès du parti pour la victoire éternelle de la puissance Paektusan brillant du nom du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, et pour la victoire finale dans l'édification d'une puissance prospère plus étroitement unie autour du camarade Kim Jong-un. Le Congrès a approuvé l'ordre du jour suivant du Congrès. 1. Bilan des activités du Comité central du Parti du Travail de Corée. 2. Bilan des activités du Comité de supervision centrale du Parti du Travail de Corée. 3. Révision du statut du Parti du Travail de Corée. 4. Élection du camarade Kim Jong-un à la magistrature suprême de notre parti. 5. Élection de l'organisme directeur central du Parti du Travail de Corée. Le Congrès a commencé le débat sur le premier point de l'ordre du jour. Le camarade Kim Jong-un a fait le bilan des activités du Comité central du Parti du Travail de Corée. Le Congrès continue.